Le loup et la cigogne. Fable 9 du livre 3e des fables de Jean de La Fontaine. Un oral de Jean Lambert pour LibriVox.org. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc étant de frairie se pressa, dit-on tellement, qu'il en pensa à perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier. Près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os, puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire ? » dit le loup. « Vous riez, ma bonne commère. Quoi, ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou ? Allez, vous êtes une ingrate, ne tombez jamais sous ma patte. » Fin de Le loup et la cigogne. Fable 9e du livre 3e des fables de La Fontaine. Cet enregistrement appartient au domaine public.